Cœur de pierre ou d'artichaut? Timide ou joli cœur? Cet été, vous avez peut-être fait ces tests. Mais avez-vous fait le seul vrai test pour votre cœur? Celui qui évalue votre risque cardiovasculaire sur fedecardio.org. Savoir, c'est pouvoir agir. Et pour diminuer facilement votre risque en réduisant votre stress, retrouvez les conseils du professeur Helft, cardiologue, dans Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie. À retrouver sur toutes les plateformes et sur fedecardio.org. Au mois de juin 2022, comme tous les ans, on se retrouve, c'est-à-dire toute la communauté médicale de l'oncologie se retrouve dans un grand congrès qui est américain. Ça se passe dans la belle ville de Chicago. Et depuis 20 ans, comme une espèce de pèlerinage, je m'y rends en quête des innovations thérapeutiques en oncologie. On se retrouve dans une salle de moyenne importance où est présentée une étude qui porte sur un petit nombre de patients, 16 patients. La moyenne d'âge est de 40 ans. Ce sont des jeunes gens qui ont des tumeurs du rectum, qui malheureusement sont des tumeurs avancées. Chez ces jeunes gens, en principe, on va vers ce qu'on appelle une amputation du rectum, ce qui, bien sûr, est très délétère. Et donc, pour l'éviter, on essaie d'avoir un traitement avant la chirurgie qui puisse réduire la tumeur. C'est ce qu'on obtient en général dans un certain nombre de cas avec des chimiothérapies. Et là, on essaie autre chose. On essaie l'immunothérapie. Les résultats sont à peine croyables. 100% de réponse. C'est-à-dire tous les patients qui ont reçu le traitement ont répondu. Non seulement ils ont répondu, mais il n'y a plus de tumeur. Les résultats sont sidérants, on est sidéré, on se lève, on applaudit. Et le deuxième épisode, c'est à Paris, au mois de septembre, l'autre grand congrès de cancérologie, c'est le congrès européen. Et là, on a une série de 107 patients, 95% de réponses complètes. Donc, il n'y a plus de tumeur. On a donc la confirmation de quoi ? Qu'un traitement par immunothérapie seul peut faire disparaître complètement une tumeur avancée. Et ça, c'est un réel progrès. La communauté internationale de l'oncologie n'est pas très impressionnable, ni très démonstrative. Elle préfère souvent une prudence et une économie de moyens toutes scientifiques. Mais la scène que décrit ici le professeur Pascal Pujol a saisi le parterre d'éminentes blouses blanches présentes dans la salle. Ce jour-là, des centaines de cancérologues se sont levés et ont applaudi. Une étape décisive est franchie contre le cancer. Le 5 juin 2023, un tonnerre d'applaudissements retentit de nouveau au Congrès mondial de cancérologie de Chicago. On vient de présenter un nouveau médicament capable de réduire de moitié le risque de décès pour le cancer du poumon le plus répandu. Cancer, la nouvelle ère, un documentaire de Rémi Dibowski-Douatte, réalisé par Anne de Pelchin. Épisode 4, vers la fin de la chimio. En quelques décennies, on a changé de paradigme et le mot de guérison n'est plus tabou. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. Pendant plus de 2000 ans, après Hippocrate a décrit le cancer en 500 avant Jésus-Christ, il a dit c'est une rétention d'humeur. Ce concept a persisté jusqu'en 1850. Éric Solari, professeur d'hématologie, directeur de la recherche à l'Institut Gustave Roussy. Et puis Galien, dans les années 200 après Jésus-Christ, a dit c'est une rétention de bile noire ou de sang. Et puis d'autres ont dit c'est une rétention de lymphe. Enfin, c'était une rétention d'humeur. Mais il faut vous dire que de toute façon, les gens mouraient jeunes et qu'ils avaient relativement pas le temps de développer un cancer. Ils mouraient souvent de maladies infectieuses ou d'autres causes. En 1850, on a commencé à comprendre que ce n'était pas de l'humeur, mais des cellules. En même temps, les Américains avaient mis au point l'anesthésie et donc on a commencé un premier traitement qui était la chirurgie des cancers. C'est le développement de la première thérapeutique qui reste la première thérapeutique des cancers. 50 ans plus tard, sont apparus les rayons X, Röntgen, le radium, les curies, et on a très vite utilisé cette découverte pour faire de la radiothérapie. Ça a été le deuxième traitement des cancers, c'est toujours le deuxième traitement des cancers. il a fallu attendre à nouveau 50 ans pour utiliser les données de la chimie pour mettre au point la chimiothérapie. L'histoire de la chimiothérapie, elle vient de la Deuxième Guerre mondiale. Pascal Pujol, oncogénéticien. On est dans un port italien, le port de Bari. Et on a là tout un escadron de la flotte des Alliés, dont des navires américains. Et ces navires américains, figurez-vous, contiennent des gaz chimiques. Mais l'armée allemande va déployer un bombardement sur le port de Bari et va s'en suivre un drame humain. On va déplorer la mort de 500 personnes, dont on va vite comprendre que cette mort est liée à une diminution des globules blancs, ce qu'on appelle l'aplasie. Parallèlement, aux États-Unis, travaille quelqu'un sur les leucémies, et il se dit, mais si ce produit fait diminuer les globules blancs, j'ai l'arme pour mon cancer qui est autre que la reproduction de globules blancs. Et donc il va essayer, chez les premiers patients, des dérivés du gaz moutarde avec succès. Et donc la chimiothérapie naît de ce bombardement et de la compréhension qu'on peut inhiber la réplication de cellules avec un produit chimique. À la même époque, on a commencé à découvrir l'ADN, les chromosomes, à faire de la recherche biologique et moléculaire. Il a fallu à nouveau 50 ans pour mettre au point les fameuses thérapeutiques ciblées. Donc vous voyez, on arrive là. 2000, première thérapeutique ciblée sur une anomalie moléculaire qu'on avait étudiée dans les 50 précédentes années. On l'entend, à l'échelle de l'histoire, de la science, la lutte contre le cancer va très vite. Où en sommes-nous aujourd'hui et au fond, peut-on imaginer un jour être débarrassé du cancer? Un peu naïvement, je pose la question à Alain Echen, directeur adjoint de l'Institut thématique cancer de l'INSERM. Moi, j'y crois pas. Je crois pas parce que le cancer, c'est darwinien et le cancer a toujours une façon de trouver un moyen d'échapper au traitement. Alors, en fait, une tumeur, pour se développer, doit acquérir un avantage de croissance. Donc, en fait, nos cellules mutent régulièrement et seules les mutations qui sont bénéficiaires pour la cellule qui souhaite s'expandre vont être sélectionnées. C'est là qu'on parle de darwinisme. Et donc, lorsqu'on traite un cancer pour éradiquer ce cancer, eh bien, s'il existe des petites cellules minoritaires qui ont accumulé une autre mutation qui permet de résister à ce traitement, c'est celles-ci qui vont ensuite émerger. C'est exactement le principe de la sélection naturelle des espèces de Darwin. C'est vraiment, c'est la cellule qui a l'avantage sélectif va prendre le dessus sur les autres cellules. La plupart des espèces animales, et l'homme en premier, c'est une espèce qui est apparue au cours de l'évolution grâce à la variation génétique, donc au fait qu'une cellule, par définition, peut muter pour générer de la diversité génétique. Donc c'est inhérent à notre génome. Vouloir empêcher le processus naturel de la mutation, c'est lutter en fait contre l'évolution des espèces. En définitive, on pourrait dire que le cancer fait partie de nous. Alors c'est clairement une maladie du soi, hein, le cancer. Alors à part quelques cas de cancer qu'on connaît, hein, ceux qui sont dus à des virus comme le HPV pour le col de l'utérus, mais la grande majorité des cancers, ce sont nos propres cellules qui se mettent à proliférer de manière anarchique et sans contrôle. Donc c'est vraiment une maladie du soi. C'est le week-end d'Halloween, je me souviens, on est à la maison, donc on travaille avec mon mari au bureau, et puis ma fille joue au rez-de-chaussée, et puis d'un seul coup on sonne à la maison, on n'attendait personne, et c'est mon père qui est là. Il rentre et à peine il a franchi le pas de la porte, que je vois à sa tête qu'il y a un problème, et je lui demande du coup s'il est malade, et il me répond non, c'est toi. Parce que mon père en fait c'est mon médecin traitant également. Et là, quand j'ai compris, je me suis mise à hurler, mais vraiment à hurler. J'ai même frappé des murs, j'ai pleuré. Je suis triste parce qu'en fait, au moment où il m'annonce ça, en fait, il vient pas m'annoncer que j'ai un cancer du sein. Moi, ce que j'entends, c'est que je vais mourir. Parce qu'à ce moment-là, les exemples que j'ai autour de moi, c'est ma mère qui en est morte en un an. C'est mon grand-père qui en est mort. Pour moi, même si je sais, même si je vois à la télé, dans les journaux ou autres, que des gens survivent au cancer du sein, c'est pas du tout ce que j'ai en tête. Et après, assez rapidement, donc dans le dans la demi-heure qui a suivi l'annonce, j'ai dit à mon père, bon, ok, personne ça n'est sorti, ben moi j'ai pas le choix, Charlotte elle a 7 ans, donc je vais casser le cycle. Par contre, ce à quoi je crois, c'est qu'on traite de mieux en mieux et de plus en plus les cancers, et qu'on parle même de chronicisation de la maladie, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être, à terme, vivre avec son cancer comme on vit, par exemple, avec le sida grâce à la trithérapie. L'horizon n'est donc pas de se débarrasser du cancer, mais bien de vivre avec le mieux possible. Aujourd'hui, 3,8 millions de personnes sont diagnostiquées. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, le nombre de cancers augmente mécaniquement. En revanche, le taux de guérison progresse. Entre 1990 et 2015, la survie a gagné 21 points pour les cancers de la prostate, 12 points pour le cancer colorectal et 11 points pour les cancers du poumon. Une révolution, selon Eric Solari. En réalité, je parle de révolution au pluriel. Mais si on s'intéresse à l'aspect thérapeutique, effectivement, les grands changements de ces dernières années, c'est l'apparition de ces thérapeutiques ciblées et un peu après de l'immunothérapie. Les thérapeutiques ciblées, ça veut dire qu'on cherche les anomalies moléculaires, en particulier au niveau de l'ADN, qui ont conduit à l'émergence de la tumeur. Et on utilise un médicament qui va bloquer directement et spécifiquement l'effet de cette anomalie moléculaire. En d'autres termes, vous avez un changement de l'ADN qui va générer une protéine anormale et on va bloquer cette protéine anormale pour, en fait, ou bien empêcher la cellule de pousser et même éventuellement la détruire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie ciblée. Ça, c'est la thérapie ciblée. Donc c'est une médecine qu'on appelle aussi de précision parce qu'on travaille à la carte. On choisit le traitement en fonction de l'analyse moléculaire de la tumeur du patient, une analyse qui est extrêmement précise et sophistiquée. Est-ce qu'on peut dire un patient, un traitement ? Pas tout à fait, mais presque. En fait, on va utiliser des médicaments qui sont partagés par différents patients, mais on va les utiliser dans des combinaisons et des tempos qui sont propres à chaque patient en fonction des analyses qu'on aura pu réaliser. On a le sentiment que dans le vocabulaire qui est utilisé, on ne s'arrête pas à la localisation du cancer, mais au type de cancer. Alors oui, là il y a une évolution conceptuelle importante, c'est-à-dire que on a commencé par décrire les cancers en général. Ensuite, on a parlé des cancers d'organes, donc le poumon, le sein, la thyroïde, etc. Et puis, à l'intérieur des cancers d'organes, en regardant un peu mieux les cellules, on a vu des cancers à petites cellules, des cancers à grandes cellules, etc. Donc, on a fait des sous-types. Et maintenant, on rajoute là-dessus les données moléculaires, ce qui veut dire que chaque cancer est décrit de façon de plus en plus précisément. Alors l'immunothérapie, c'est la dernière révolution thérapeutique en date, et c'est pas seulement une révolution thérapeutique, c'est une révolution conceptuelle aussi, parce que tous les autres traitements dont on a parlé avant, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapeutiques ciblées, détruisent, s'attaquent à la cellule tumorale directement. Avec l'immunothérapie, ça n'est pas le cas. On va chercher l'aide du système immunitaire du patient pour éliminer les cellules tumorales. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller stimuler en quelque sorte le système immunitaire. Donc ça, c'est nouveau et cette approche prend une place croissante et on commence à considérer le cancer non pas simplement comme une cellule malade, mais comme une cellule malade dans un organisme qui laisse cette cellule malade se développer. Donc on prend en considération tout ce qu'il y a autour. Et dans les années qui viennent, probablement, on va évoluer vers une approche comme ça plus holistique où on intègre la tumeur dans l'organisme. Alors, le bilan actuel de l'immunothérapie, c'est que d'emblée, les immunothérapies qui sont apparues dans les années 2010 ont permis de sauver des patients qu'on considérait comme perdus jusque-là. Des formes métastatiques de cancer très graves, qu'on pensait irrécupérables. Et on s'est aperçu qu'avec cette approche thérapeutique, on pouvait sauver ces patients. Pas tous, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui résistent, mais un certain nombre d'entre eux. Aujourd'hui, ce traitement qui a d'abord été utilisé dans les situations très difficiles est maintenant passé en première ligne dans certaines indications thérapeutiques Et l'impression aujourd'hui qui a besoin d'être confortée, c'est qu'on est en train de gagner en termes de survie de façon très importante dans des tumeurs autrefois très difficiles à traiter. Ça a été le mélanome métastatique, par exemple. C'est aussi les cancers du poumon, pour lesquels on a l'impression que dans un certain nombre de cas, on est en train de gagner vraiment du terrain. On gagne quoi ? Des années de vie, en fait ? On gagne des années de vie et peut-être des guérisons. Alors, vous savez que pour affirmer la guérison en cancérologie, on aime bien avoir beaucoup de recul, donc on reste très prudent. Mais en tout cas, on voit des gens vivre 5 à 10 ans après une immunothérapie, alors qu'on les pensait initialement perdus. Comme si les soignants avaient élargi la focale, finalement prennent en compte le corps dans sa globalité. Oui, alors ça c'est pas nouveau, le seul problème c'est que pendant longtemps on avait bien dans l'idée que le système immunitaire pouvait jouer un rôle pour lutter contre le développement d'une tumeur, sauf qu'on n'avait pas compris pourquoi le système immunitaire n'était pas capable de le faire, et toutes les tentatives de vaccination n'avaient pas abouti. Il a fallu vraiment une découverte fondamentale de recherche pour découvrir que, en réalité, la tumeur était capable d'endormir le système immunitaire. Et lorsqu'on a pu identifier ces freins qui étaient induits par la tumeur, maintenant on est capable de jouer avec des molécules qui sont capables de lever ces freins et de réveiller le système immunitaire. C'est ça la révolution. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour le malade ? Alors pour le malade, d'abord ça signifie qu'on voit des résultats très spectaculaires de régression des masses tumorales. Et puis, dans certains cas, on peut parler de guérison. Alors, c'est pas encore la majorité des cancers, hein, mais on peut parler de guérison spectaculaire qu'on n'avait pas observée jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment nouveau, ça a 15 ans. Voilà, c'est dans les 10 dernières années qu'on a pu vraiment démontrer cliniquement le bénéfice de l'immunothérapie. Alors, évidemment, pour le moment, c'est restreint à une minorité de cancers, mais évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de recherches dans trois directions, d'ailleurs, hein, qu'on pourrait développer si vous voulez. La première, eh bien, c'était la découverte de ces molécules, de ces anticorps. Alors, ces anticorps sont des molécules qui sont capables de bloquer ces freins du système immunitaire. Donc ça, c'est des traitements par anticorps, c'est les immunothérapies, ce qu'on appelle les checkpoint inhibiteurs. Puis ensuite, on a eu la deuxième étape, ça a été le développement des CAR T-cells, de la thérapie cellulaire, thérapie combinée, thérapie cellulaire, thérapie génique, c'est-à-dire qu'en fait, on prélève les lymphocytes T, les cellules du système immunitaire du patient, et on va les modifier ex vivo par une manipulation génétique pour les réinjecter au patient et les éduquer à aller éradiquer les tumeurs. Ça, c'est la thérapie cellulaire, CAR T-cells. On commence à avoir des traitements chez des patients qui guérissent les patients, notamment dans certaines formes de leucémie. Et puis il y a la troisième étape de la fusée qui va arriver, qui est en train d'arriver, les essais cliniques sont en cours, ce sont les vaccins anti-cancer. Et je parle là de vaccins curatifs, pas de vaccins préventifs comme ceux contre le cancer du col de l'utérus avec le virus HPV. Alors l'ARN messager, c'est quelque chose qui a connu son heure de gloire au moment de la pandémie de Covid-19, parce que ça a permis de fabriquer un vaccin. Mais cette mise au point de vaccin n'est pas venue de nulle part. Elle venait de travaux qui avaient été lancés une dizaine d'années avant pour essayer de mettre au point un vaccin thérapeutique contre les cancers. L'idée, là encore, c'est d'essayer d'apprendre au système immunitaire à reconnaître les cellules malades en fabriquant un ARN messager qui reproduit une des spécificités de la tumeur. Et en administrant ça comme un vaccin, mais un vaccin avec des effets thérapeutiques, le système immunitaire reconnaît cet ARN messager, apprend à l'attaquer en quelque sorte, et au passage va attaquer les cellules tumorales qui expriment cet ARN messager. Qu'est-ce qu'on a comme espoir vis-à-vis de cette technique ? Le traitement des cancers par ARN messager, c'est ce qu'on appelle un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la vaccination préventive, vous injectez quelque chose pour vous prémunir d'une maladie, et la vaccination thérapeutique, vous apprenez au système immunitaire à attaquer directement la maladie qui est déjà là. Voilà. Donc c'est un vaccin thérapeutique. On espère être capable de fabriquer, quasiment à la carte, des ARN messagers qui permettront au système immunitaire de se renforcer et de devenir capable à nouveau d'attaquer les cellules tumorales. Est-ce qu'on a déjà des résultats ? Ça émerge tout juste. Je pense que c'est trop tôt pour faire des plans sur la comète et savoir exactement ce qu'il en sera à l'avenir. mais il y a quelques résultats prometteurs qui émergent. L'immunothérapie, comme les nouveaux traitements efficaces du cancer que sont les thérapies ciblées, ils peuvent donner des résultats extraordinaires. Mais ils ne s'appliquent en général qu'à un sous-groupe de patients. C'est le cas pour ces tumeurs du côlon, c'est à peu près 10% des patients. C'est le cas de la majeure partie des thérapies ciblées. Pour que la thérapie ciblée soit efficace, il faut la cible. Et souvent, cette cible ne s'exprime que chez un petit nombre de patients. Vous écrivez que seuls 10% des chimiothérapies seraient efficaces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce chiffre qui paraît pour le béotien totalement ahurissant ? Oui, je m'en excuse, il peut paraître même un peu inquiétant, mais voilà la raison. On a en fait deux grands types de chimiothérapie. Le premier type est une chimiothérapie qui guérit. Alors on appelle ça la chimiothérapie curative. C'est donc une chimiothérapie qui, à elle seule, va guérir la personne. Et c'est le cas pour environ 10% des patients. Le deuxième type de chimiothérapie, c'est une chimiothérapie qui vient souvent après les traitements conventionnels, notamment la chirurgie. On a éradiqué la tumeur, et ce qu'on veut, c'est éviter la récidive. Eh bien, dans ces chimiothérapies dites adjuvantes, qui vont accompagner le traitement chirurgical, on n'a que 10% d'efficacité. Pourquoi ? Parce que 10%, c'est le nombre de personnes pour lesquelles on va éviter la récidive. Alors, pourquoi aujourd'hui on donne cette chimiothérapie ? Parce qu'on ne dispose pas des marqueurs qui prédisent quelles sont les personnes qui bénéficieront. C'est pourquoi on donne la chimiothérapie à 10 patients parfois, alors qu'on sait pertinemment qu'un seul sur 10 en bénéficiera. Mais celui qui en bénéficiera aura la vie sauve grâce à cette chimiothérapie. Mais on commence à entrevoir, d'ailleurs par la génomique, dans un type de cancer que sont les cancers du sein, des signatures génomiques qui permettent de dire cette dame qui a ce type de tumeur, ce profil génétique, ne bénéficie pas de la chimiothérapie et c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus dans nos centres et ça permet de réduire la chimiothérapie d'environ 30% dans certaines indications. Pendant tout mon parcours, je n'ai pas fait de recherche sur Internet. La seule chose que j'essaie de mettre en place, qui vient assez en fait naturellement, c'est de me mettre dans une bulle. Chaque fois que j'ai un traitement, je l'imagine en train d'aller tuer la tumeur. J'imagine en fait que le produit, il y a plein de petits soldats à l'intérieur, en train d'aller avec leurs petits sabres partout dans mon corps et en train de regarder s'il n'y a pas des cellules cancéreuses. Et parfois, je les imagine aller dans le ganglion, trouver cette cellule et s'attaquer à la tumeur. Et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide parce que du coup, ça fait passer le temps, parce que c'est comme si on se fait un film dans la tête. Ensuite, ça permet d'accepter les traitements. Par exemple, c'est ce qui m'a également permis d'accepter mon porte-à-quatre, parce qu'il était pour moi douloureux. C'est une amie un jour qui m'a dit « Mais c'est par ton porte-à-quatre que la lumière va arriver, parce que c'est grâce à lui que tu peut recevoir les traitements. » Et du coup, je l'ai vu comme un ami, en fait. Je me suis même mise à lui parler. Je n'ai jamais parlé à ma tumeur, mais j'ai parlé à mon porte-à-quatre, j'ai parlé à mes organes, j'ai parlé aux produits de chimiothérapie. Et en fait, ça me permettait de faire équipe et d'être aussi active dans mon traitement, d'encourager les produits. Alors, est-ce qu'il faut se passer de la chimiothérapie ? Il faudra se passer de la chimiothérapie quand, d'une part, on aura des armes plus efficaces et d'autre part, on aura compris pourquoi et comment certaines personnes n'ont pas bénéfice à faire la chimiothérapie. Et ces travaux qu'on appelle de désescalade sont d'ailleurs aujourd'hui encouragés par nos tutelles, l'Institut national du cancer a mis en place un programme pour financer de la recherche sur une certaine désescalade. On peut rêver d'une chimiothérapie bien meilleure que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Parce que lorsqu'on donne une chimiothérapie aujourd'hui, elle ne vise pas la cellule cancéreuse de façon élective. Elle vise les cellules de notre corps qui se répliquent, c'est-à-dire qui se divisent. On en a plein, des cellules qui se divisent. Le premier, c'est les cheveux. C'est pour ça que quand vous faites la chimio, vous perdez les cheveux. D'accord. Donc ce qu'il faut, certainement ce vers quoi il faut tendre, c'est une chimiothérapie élective de la cellule cancéreuse. On commence à y arriver. On a accroché des anticorps à des molécules de chimiothérapie, c'est des progrès récents. On a attaché en fait un guide vers la cellule cancéreuse. Ce guide va permettre d'acheminer la molécule de chimiothérapie à la cellule cancéreuse, et ce de façon élective. Et c'est comme ça que peut-être on aura les bénéfices de la chimiothérapie en limitant les effets collatéraux. Alors pour qu'on comprenne bien, la chimiothérapie aujourd'hui c'est l'inverse de ce que vous dites, c'est-à-dire que la chirurgie et la radiothérapie c'est le petit bistouri et la chimio c'est l'arme de destruction massive. Oui, oui c'est ça, et c'est là où la thérapie ciblée ou l'immunothérapie est intéressante, parce que c'est de nouveau atteindre spécifiquement la cellule cancéreuse. J'ai été surprise par un des effets secondaires de la chimio, c'est-à-dire le brouillard cérébral, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'en entend pas parler, parce qu'on ne nous prévient pas sur ça. Et en fait, moi, j'avais une activité avant professionnelle qui était derrière un ordinateur, avec des chiffres, des tableaux, voilà, assez intellectuel. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée à perdre énormément en capacité intellectuelle. Et ça a été extrêmement difficile à vivre. Et par exemple, je ne pouvais même plus aider ma fille à faire ses devoirs de CE1. Et je pense que ça a dû y jouer parce que je n'avais pas non plus la capacité de me projeter ou de réfléchir à certaines choses, parce que tout me demandait, même intellectuellement, beaucoup d'efforts. Quand je lisais un article, je ne comprenais pas les mots. Enfin, je comprenais les mots, mais je ne comprenais pas leur sens, ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait. Et maintenant, le pari, c'est que la prochaine étape, ça sera l'intelligence artificielle et les données. Pourquoi ça ? D'abord parce que on a changé aussi de dimension en termes d'analyse d'une tumeur. Il y a 20 ans, si vous consultiez votre médecin et qu'on vous faisait un bilan, à la recherche même d'un cancer, on faisait 10 examens sanguins, on vous ramenait 50 chiffres, et avec ça, le médecin analysait la situation. Aujourd'hui, ce n'est pas 50 chiffres qu'on génère. C'est des millions et des millions de chiffres dus à l'analyse en profondeur de chaque cellule de la tumeur, des mutations qu'elle comporte, des gènes qu'elle exprime, des protéines qu'elle fabrique, etc. Donc ce sont des quantités d'informations qui sont devenues inaccessibles à l'analyse immédiate. Donc il faut de nouvelles méthodes, qui sont des méthodes de bioinformatique, issues des mathématiques, des méthodes d'analyse, et maintenant des méthodes qui utilisent les outils de l'intelligence artificielle. On est en train de vivre une période où on a la convergence de deux événements qui expliquent la raison pour laquelle on est en train de vivre ces changements. Jean-Emmanuel Bibeau, oncologue, radiothérapeute. Le premier événement, c'est qu'on a une digitalisation de toutes les données médicales. C'est-à-dire qu'il n'y a encore pas si longtemps, les données médicales étaient consignées par écrit dans des dossiers classiques, à la main. Et maintenant, on se sert de plus en plus de logiciels, et même quasi exclusivement de logiciels, dans lesquels on enregistre tout ce que l'on a constaté, tout ce que l'on fait et tout ce qui va se passer. Et donc ces données-là vont pouvoir être exploitées par des algorithmes informatiques. En parallèle de ce phénomène-là, on a accès à une puissance de calcul beaucoup plus importante qu'avant, notamment grâce à l'avènement de ce qu'on appelle les GPU, qui sont les cartes graphiques qui permettent de faire de très grands nombres de calculs en parallèle. Et donc la coordination de ces deux événements, qui sont a priori distincts, font qu'on peut maintenant, plus facilement qu'avant, entraîner des algorithmes d'IA sur des données médicales et donc aboutir à des résultats qu'on n'arrivait pas à avoir auparavant. Une des premières étapes, c'est bien évidemment le dépistage et l'épidémiologie du cancer. Il faut savoir que les politiques de santé publique sont bien évidemment fondées sur des données épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même offre de soins en fonction de l'épidémiologie des maladies. Et on va, par exemple, faire des campagnes de dépistage ou alors des campagnes de prévention du cancer dans les endroits qui en ont plus besoin. Un des problèmes, c'est qu'on manque actuellement de données épidémiologiques suffisamment précises. L'IA peut apporter des solutions à ça, avec notamment des travaux qu'on avait réalisés à Stanford, où on a utilisé des données d'images satellitaires, donc des images Google Maps, pour uniquement à partir de l'environnement dans lequel vous habitez, prédire la prévalence du cancer. Et donc ça permet, avec une très haute résolution spatiale, c'est ça l'intérêt, de connaître votre risque d'avoir un cancer et donc potentiellement d'adapter soit l'offre de soins, soit les campagnes de dépistage, soit les campagnes de prévention en ciblant certaines zones plus à risque. Le deuxième exemple très concret d'application de l'IA pour le dépistage, c'est ce que j'appelle un petit peu le dépistage personnalisé. C'est par exemple pour le cancer du poumon. On sait que en faisant un dépistage du cancer du poumon par un scanner à faible dose, on peut globalement, en faisant 1000 scanners, sauver une vie. Donc c'est un ratio qui est assez peu élevé et on peut essayer d'améliorer ce ratio en ciblant mieux les gens qui auraient besoin d'un scanner à faible dose, c'est-à-dire faire moins de scanners pour sauver plus de vies. Et on peut utiliser certains algorithmes d'intelligence artificielle qu'on est en train de finaliser qui permettent, à partir de vos caractéristiques, typiquement votre âge, le nombre de paquets années que vous avez fumé, si vous avez arrêté de fumer, le nombre d'années depuis quand vous avez arrêté, etc., pour mieux déterminer votre risque et donc vous proposer un dépistage si vous êtes à haut risque. Le troisième exemple, toujours dans le dépistage, encore plus proche, c'est déjà utilisé, c'est le dépistage du cancer du sein sur les mammographies, où là, on peut déjà utiliser des algorithmes qui permettent de guider, entre guillemets, l'œil du radiologue pour déterminer les zones qui sont soit à risque de développer un cancer du sein, soit qui sont a priori suspectes de cancer du sein. Alors, il y a un exemple en dermatologie avec une étude qui a été publiée déjà en 2016 dans une grande revue qui s'appelle Nature, qui était une étude faite par une équipe de Stanford où ils ont entraîné un modèle justement de deep learning pour identifier sur la peau les lésions cutanées, par exemple de carcinome ou de mélanome. Et donc, les chercheurs ont montré qu'un algorithme était capable de diagnostiquer un mélanome avec une très très grande précision. Et ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'ils ont aussi comparé les performances de cet algorithme aux performances de 21 dermatologues experts américains. Et ils ont montré que l'algorithme était au moins aussi bon, voire parfois un peu meilleur que les dermatologues. Donc on peut imaginer utiliser une application iPhone ou Android pour se scanner la peau et puis connaître votre risque de mélanome ou d'autres cancers de peau. Est-ce que la performance de l'intelligence artificielle sur la recherche d'un mélanome se suffit à elle-même ou est-ce que l'intervention d'un être humain est nécessaire? Alors, on peut déjà probablement penser qu'on pourrait faire une sorte de toute première étape de dépistage personnel, c'est-à-dire voir avec son téléphone. Mais le message quand même, c'est que même si votre téléphone vous dit que votre lésion ou votre grain de beauté est un peu suspect, pour lui n'est pas suspect, ça ne remplace pas, et ça ne remplacera probablement jamais, l'avis de votre dermatologue. On va prendre par exemple... Alors là, c'est des cellules tumorales qui ne sont pas très sympathiques. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, elles sont issues de cette glande mammaire normale et elles ne se différencient plus en structure glandulaire. Alors en fait, la structure glandulaire, c'est donc... là, il y a encore des petites glandes normales là, juste à côté, ici. Et si une tumeur est bien différenciée, elles reproduisent des structures glandulaires. Or là, ce n'est pas le cas du tout. Elles sont agencées. Nous sommes avec Anne-Vincent Salomon. Elle dirige le service d'anatomopathologie de l'Institut Curie. L'anapath, comme on dit dans le jargon médical, examine les organes, les tissus ou les cellules pour repérer et analyser les anomalies. Son rôle est crucial puisque cette étape permet d'établir le diagnostic. Ici aussi, l'intelligence artificielle induit des avancées spectaculaires. Là, on est en train de vivre une vraie révolution. C'est fascinant, c'est hype, l'IA. Oui, bien sûr, moi je suis enthousiaste et j'y suis depuis 5 ans. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des startups et des chercheurs académiques. Et en même temps, pour moi, je vois plusieurs niveaux qui soulèvent des questions du modèle médico-économique. Comment des hôpitaux publics peuvent travailler avec des startups suivant quelle modalité financière? Quel est le modèle financier du développement des outils? Est-ce que ce doit être des actes remboursés par la Sécurité sociale ou un logiciel informatique et un investissement pour les établissements de santé? Moi, je pencherais peut-être plutôt pour ça. Ça existe déjà comme type d'accord. Voilà, exactement. Et en même temps, il faut qu'on se réjouisse en France d'avoir cet écosystème si dynamique public, avec l'école des mines, toutes les écoles polytechniques, etc., qui donnent des ingénieurs très agiles en IA, et cet écosystème de start-up aussi. Enfin, on ne peut qu'être très content d'avoir des licornes, etc. Mais là, je vois quand même un petit danger. Si les hôpitaux n'ont pas les budgets pour investir dans des outils d'IA, ces outils seront réservés à une élite qui peut payer pour. Et là, ça me pose question, vraiment. Ensuite, un autre aspect est celui de l'enjeu de la formation. Un pathologiste, c'est quelqu'un qui apprend des images à les reconnaître par rapport à l'histologie normale, à la forme normale des tissus du corps. On a un internat de 5 ans, ensuite un assistanat de 2 à 4 ans. Donc c'est déjà 9 ans de formation, puis ensuite, plus un pathologiste est expérimenté, plus il a engrangé d'images. Et à quel moment les outils d'IA vont pouvoir être utilisés sans compromettre l'expertise de l'œil humain? Donc là, je vous disais que c'était mon ami tout à l'heure, mais ça pourrait devenir mon ennemi si on entraîne une paresse intellectuelle chez les générations qui viennent. Sous-entendu aussi, qui va transmettre aux nouvelles générations le savoir que vous, Anapath, avait. Exactement. Il y a également un enjeu autour de la validation des outils d'algorithmes, d'intelligence artificielle, et de la correction des biais. Alors ça, des biais dans toute technique, il y en a forcément. Ne serait-ce que déjà les biais de préparation des tissus. Je vous ai parlé des couleurs qu'on utilise. D'autres laboratoires peuvent utiliser d'autres couleurs. Est-ce que l'algorithme va marcher aussi bien, quelle que soit la couleur utilisée pour colorer les tissus? Ensuite, la préparation elle-même des tissus peut-elle influencer? Il y a des paramètres suivant la question que l'on pose à l'algorithme. Quelle est la variable de sortie que l'on cherche à prédire? Eh bien, il peut y avoir des facteurs confondants. Donc, il peut y avoir des biais techniques, des biais d'algorithme, des biais sur la lame histologique transformée en données numériques, et puis il peut y avoir des biais biologiques. Ensuite, la rigueur de l'équipe qui fournit l'algorithme, elle est éminemment importante. Il y a tout un enjeu autour de la rigueur scientifique qui va être déployée pour développer ces algorithmes. Bon, je ne fais aucune supposition, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est dans une logique où on veut vendre un produit, à un moment donné, il va falloir qu'il soit rentable, ce produit. Donc, attention à tous ces aspects-là. Vous, aujourd'hui, dans une journée standard, vous utilisez l'intelligence artificielle combien de fois? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est rentré en routine? Alors, c'est complètement rentré en routine, mais ça dépend un peu de la spécialité qu'on fait et des organes que l'on traite. Un des domaines où l'intelligence artificielle est utilisée déjà à l'hôpital en routine clinique, c'est la radiothérapie. Donc, en radiothérapie, en fait, on utilise des rayonnements ionisants, c'est-à-dire des rayons, pour détruire des tumeurs. Et une des premières étapes pour faire ce type de traitement-là, c'est la préparation et la visée, tout simplement. On va faire un scanner du patient pour en fait enregistrer son anatomie en 3D. Et ensuite, on va dessiner sur ordinateur, sur le scanner, ces organes. Non seulement pour bien viser la tumeur, mais aussi pour ne pas toucher les organes sains qui sont autour de la tumeur. Jusqu'à il y a encore pas si longtemps, ces étapes-là étaient faites de façon manuelle par les médecins et pouvaient prendre dans les cas les plus complexes plusieurs heures, voire une demi-journée. Et il faut savoir que maintenant, on a des algorithmes de deep learning ou d'apprentissage profond qui permettent de faire ces contourages en 2 à 3 minutes. Et ensuite, ce contourage, ces dessins, ces volumes sont vérifiés manuellement par les médecins. Et donc ça permet aussi de parler d'un aspect qui est important. Sur les tâches où l'IA est un outil d'assistance, il y a toujours ce que l'on appelle la garantie humaine, c'est-à-dire que ce qu'a fait l'IA est toujours vérifié ou corrigé par un humain avant d'être utilisé pour le traitement. Et donc une fois, pour en revenir à l'exemple, que ces contourages ont été réalisés, eh bien on va faire une dosimétrie, c'est-à-dire qu'on va programmer la machine qui va faire les rayons, et ensuite le patient pourra commencer les soins. L'idée globale, c'est qu'on va probablement utiliser de plus en plus ces algorithmes-là pour réduire le temps dont on a besoin de préparation des traitements. Et donc en réduisant ce temps de préparation, qui parfois peut être d'une dizaine de jours, dans les cas vraiment complexes, eh bien on pourrait imaginer qu'un jour on fasse cette préparation en une seule journée, voire en quelques heures, et qu'on voit le patient donc en consultation, et qui commence son traitement non pas 10 jours ou 15 jours plus tard, mais quasiment le même jour, ou le lendemain, ou le surlendemain. Et donc, ça sera un progrès très très significatif, parce qu'on sait que plus on prend tôt la maladie, et plus on a des chances de guérison. Il y a un autre domaine de l'IA, qui est réel, hein, qui existe, et qui va être de plus en plus utilisé, c'est le domaine où les médecins ne savent tout simplement pas faire. Et c'est le domaine auquel moi je consacre plutôt ma recherche. Et c'est typiquement les tâches dites de prédiction. Une des tâches de prédiction auxquelles on peut s'intéresser, c'est la capacité à prévoir à l'avance votre risque de développer un cancer, ou alors si vous êtes malheureusement diagnostiqué d'un cancer, le risque d'en décéder ou le risque d'en être guéri. On sait que, avec des recherches en neurobiologie, le cerveau humain, dès qu'on dépasse à peu près 5 facteurs pour faire une prédiction, le cerveau n'est pas bon, c'est-à-dire qu'il se trompe. L'IA, évidemment, n'a pas ce problème-là, et elle peut prendre en compte des centaines de facteurs pour faire des prédictions qui sont très très bonnes et qui sont vérifiables sur des données déjà existantes. Le principe général de ce type d'IA, comme pour les autres, c'est que l'on va prendre une cohorte de patients la plus grande possible, avec une qualité de données la plus grande possible aussi. Ce sont des patients pour lesquels on sait ce qui s'est passé, par exemple, à 10 ou 15 ans, et donc on va entraîner un algorithme à reconnaître les motifs de caractéristiques qui permettent de prédire, par exemple, vos chances de guérison. Et ensuite, on va pouvoir vérifier les capacités de cette IA-là sur de nouveaux patients qu'elle ne connaissait pas pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Et une des applications, par exemple en cancérologie de la prostate, c'est de voir à 10 ou 15 ans si vous allez décéder de votre cancer de prostate pour éventuellement adapter les soins. Ce jour-là, j'ai commencé à me sentir extrêmement mal. J'étais dans un état second, je n'arrivais plus du tout à boire parce que ma gorge me brûlait, j'avais beaucoup de fièvre, je n'arrivais plus non plus à m'alimenter, j'avais perdu du poids les 15 derniers jours des rayons et j'étais arrivée à un stade où je n'arrivais même plus à me déplacer. J'étais allée voir le spectacle de ma fille à l'école, elle en avait plusieurs, je suis allée voir le premier. Je me tenais au bras de mon mari pour ne pas tomber. En plus, c'était en pleine canicule, fin du mois de juin, il faisait extrêmement chaud. J'ai vu son premier spectacle et après j'ai demandé à mon mari de me raccompagner à la maison. Même de penser à ma fille ne me permettait pas de tenir debout. Et à ce moment-là, donc mon mari est reparti au spectacle de ma fille, moi je suis restée seule à la maison. Et puis je me suis dit, ça va vraiment pas. Et je voulais aller à la cuisine pour boire. Et en fait, entre le trajet entre ma chambre et la cuisine, qui n'est pourtant pas si long, je me suis arrêtée en plein milieu du couloir et je me suis assise doucement par terre, voire allongée. Et en fait, j'avais plus du tout d'énergie, j'avais plus rien du tout. Et je suis restée là, allongée par terre sur le carrelage, jusqu'à ce que mon mari et ma fille rentrent de l'école après les spectacles dans la soirée. Je suis restée là pendant plusieurs heures. Je me suis battue jusqu'au bout. Et en fait, ce que je me suis dit, C'est bon, ma fille, elle va rentrer de son spectacle d'école, de sa super journée, et elle va trouver sa mère, là, morte sur le carrelage. Ce que je comprends de la révolution contemporaine en cancérologie, c'est la nécessité d'une approche holistique. D'abord, on ne regarde plus seulement la cellule, mais aussi ce qui l'entoure. En échangeant avec Anne-Vincent Salomon, je réalise que ce mécanisme est à l'œuvre de manière plus transversale encore. Il ne s'agit pas seulement de traiter une tumeur, mais bien l'être humain qui la porte, dans toute sa complexité. C'est toute la démarche d'Anne-Vincent Salomon, directrice du tout nouvel Institut des cancers des femmes, créé par l'Institut Curie, l'Université Paris Sciences et Lettres et l'INSERM. Déjà, c'est un enjeu de santé publique majeur, puisque les chiffres sont écrasants, en particulier pour les cancers du sein, avec à peu près 60 000 femmes par an qui sont diagnostiquées d'un cancer du sein en France. Et les cancers féminins, de quoi parlons-nous ? Nous parlons de cancer de l'ovaire, de l'endomètre, qui est la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, de tous les cancers qui se développent sur l'utérus, à partir de ce muscle utérin, tumeurs rares et plus fréquentes, les cancers du col de l'utérus, les cancers du vagin et de la vulve. Alors déjà, ces mots-là, on les prononce rarement. Ce sont des mots qui restent un peu tabous. Alors, donc, c'est une problématique de chiffres, de santé publique pour cette raison-là. C'est également un problème de santé publique parce que parmi ces cancers, les cancers du sein métastatiques gardent une survie effroyable, avec 12% de survie à 5 ans pour le cancer du sein triple négatif métastatique, et les cancers de l'ovaire avec des survies à 5 ans de l'ordre de 45-50%. Donc on ne peut pas se satisfaire de ces chiffres-là. Et c'est également la volonté de parler de cancers qui sont très mutilants et qui impactent la vie des femmes dans leur intimité et dans leur quotidien. Donc là, on ne peut pas en rester là et il faut vraiment faire évoluer la situation. Alors pour le faire, notre projet, il est original à plus d'un titre. On s'est attelé à ce projet avec l'université Paris Sciences Lettres, qui est une université qui n'a pas de fac de médecine. On mobilise les ingénieurs de l'École normale supérieure, de l'École des mines, l'université Dauphine d'économie, l'université de lettres, d'art, avec les beaux-arts, les arts déco, la FEMIS. Donc on mobilise des gens qui d'habitude n'ont pas la santé comme objectif numéro un. Parce qu'en fait, on sait que prendre en charge un patient atteint de cancer, c'est prendre une personne dans sa globalité que nous souhaitons soigner. Et donc, on se dit que pour faire des progrès véritablement marquants, il va falloir associer l'expertise médicale à l'excellence scientifique et l'excellence en sciences humaines et sociales, sans oublier les aspects médico-économiques. Et on a bien l'impression qu'avec tous ces partenaires, tous ces acteurs, on sera plus armés, mieux armés. Et voilà, donc on a imaginé cet institut comme étant le plus branché sur la société possible. Est-ce que, pour le résumer, vous diriez qu'on passe du médecin qui soigne une tumeur à plusieurs professionnels qui soignent un patient ? Oui, en fait, on ne voit plus une tumeur, on voit effectivement une femme atteinte d'un cancer, et l'environnement et le micro-environnement de la tumeur, c'est le corps entier de la femme, qu'on doit absolument préserver et guérir dans sa globalité. Mais l'IHU s'est également construit avec l'expertise des patients, des associations de patientes, et l'expertise des soignants. Alors oui, le rôle des patients est en train de changer. Éric Solari, professeur d'hématologie, directeur de la recherche à l'Institut Gustave Roussy. D'abord, dans l'interaction médecin-patient, au cours du temps, on a appris à avoir un dialogue beaucoup plus franc et les choses sont dites. Parfois maladroitement, les patients parfois le disent. Et ce à quoi on assiste, c'est une implication de plus en plus importante des patients dans les soins et la recherche. Des patients et même des citoyens, ou des patients, des familles de patients. Et c'est une approche très importante, parce que la recherche, c'est pas simplement quelque chose d'abstrait, ça doit répondre à des attentes citoyennes, c'est en général les impôts des citoyens qui financent la recherche. Il faut qu'en retour, on soit capable de répondre à des attentes. Il faut que les chercheurs entendent les questions que se posent les patients et les citoyens. Il faut que les patients comprennent ce que les chercheurs apportent comme réponse, qu'ils disent s'ils la comprennent, l'acceptent, sont prêts à suivre ou pas à suivre. Tout ça nécessite un dialogue permanent. Ça n'est pas du tout le cas pour l'instant, ou très peu, mais ça va le devenir. Dans le projet européen que je pilote, la partie centrale de notre projet, elle est consacrée au rôle des patients et des citoyens dans la création d'une plateforme européenne de recherche sur le cancer. Voilà. Quel est leur rôle? Où ils sont dans la gouvernance, dans le conseil scientifique, dans le pilotage de l'infrastructure qui sera créée? Alors, ce qui est intéressant de regarder, si on se regarde en arrière, c'est que la première réaction de la société à la maladie cancéreuse, qui a surtout émergé donc à la fin du 19e siècle, quand les populations ont commencé à vieillir, ça a été la création de la Ligue franco-américaine contre le cancer en 1917. Puis ensuite, il y a eu l'Association pour la recherche sur le cancer en 1960. Donc, la société s'est organisée avant que les politiques prennent le sujet en main. Même si, par ailleurs, les politiques avaient organisé entre-temps les CHU, les centres de lutte contre le cancer. Donc, il y avait un certain nombre de décisions. Mais, effectivement, il a fallu attendre 2003 pour qu'on ait un Institut national du cancer et un plan national contre le cancer, qui est maintenant reconduit sous forme d'une stratégie décennale, qui a été lancée en 2021, et qui permet de prendre à bras-le-corps cette maladie, qui est devenue la principale cause de mortalité et qui va continuer à grossir. Parce que le nombre de cancers va augmenter de plus de 20% dans les 20 prochaines années du fait du vieillissement de la population. C'est mathématique. Donc on a maintenant une politique publique, qui est d'ailleurs plus seulement une politique nationale, mais depuis 2021 aussi une politique européenne. Donc tout le monde s'est vraiment emparé du sujet, ayant fait l'analyse que l'incidence de la maladie va augmenter et que le traitement va coûter de plus en plus cher et que donc, en termes de prise en charge, ça va être, si on n'a pas des solutions efficaces de prévention et de diagnostic précoce, ça sera aussi un problème économique, pas seulement un problème de santé publique. Et aujourd'hui alors, parce que le nerf de la guerre, oui, c'est la recherche, mais à la recherche est adossée la question de l'argent. Est-ce que l'argent est là? Vous êtes 89% de chercheurs à déplorer les moyens qui sont attribués à l'hôpital public. Alors, je pense que tous les chercheurs qui travaillent en France vous diront que l'argent consacré à la recherche est là au travers des institutions nationales, l'INSERM, le CNRS, les hôpitaux, mais il n'est pas suffisant par rapport à nos partenaires des pays occidentaux que sont les États-Unis, un certain nombre de pays européens. La place qu'occupe la recherche dans le budget national reste insuffisante. D'autant que le coût de la recherche en biologie, par exemple, mais c'est probablement vrai dans d'autres domaines, augmente rapidement. Alors, on connaît les difficultés des jeunes chercheurs, et c'est particulièrement marqué d'ailleurs depuis 3-4 ans, depuis la pandémie, ça semble s'être accentué. On a énormément de difficultés maintenant à attirer la génération actuelle vers la recherche, en tout cas dans le domaine biologique et médical, et à rester dans la recherche publique. Un des obstacles, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la bureaucratie. La bureaucratie en France prend des proportions invraisemblables. Si on mettait simplement un peu d'argent de la bureaucratie dans la recherche, on serait déjà plus à l'aise. Un chercheur belge donnait l'autre jour sa vision de la situation. Aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, quand on croit à un projet de recherche, on mise. Et on laisse les chercheurs chercher. Puis on regarde si ça a fonctionné, et si ça a fonctionné, on remise. En Europe, on donne 1 euro et on en dépense 4 pour vérifier que le premier euro a été bien dépensé. Voilà, c'est la situation actuelle. Et le chirurgien me dit, bon ben vous voyez, ça y est, vous arrivez au bout de votre parcours, vous avez été courageuse d'arriver jusque-là, parce que c'était pas simple quand même. Et là, je me rends compte aussi que pendant le parcours, il y a plein de choses que sans doute ils ne nous disent pas. Mais qu'effectivement, qu'à ce moment-là, c'est la fin du parcours. C'est lui qui prononce cette phrase. Il me dit, vous êtes à la fin du parcours au moment où je vais pour sortir de son bureau. Et sur le trajet retour, donc le trajet il dure 1 heure, donc on a le temps. Et je regarde par la fenêtre. C'est un trajet que j'ai fait des centaines de fois pendant 1 an et demi. Et malgré tout, quand je regarde par la fenêtre, il n'y a pas la même luminosité. Les buissons, ils sont pas au même endroit. Les arbres, ils sont différents. C'est comme si d'un seul coup, j'avais un voile que j'avais devant les yeux pendant un an et demi et qui s'était levé. J'avais l'impression d'être éblouie par tout ce qui m'entourait. Je regardais même la voiture. Quand j'ai vu ma voiture, je la trouvais belle, magnifique. Et puis après, quand j'ai vu la route, même l'autoroute, les glissières, c'est des détails. Mais quand je suis arrivée chez moi, c'est pareil. La maison, je me suis dit, mais elle n'était pas orange comme ça. Et en fait, si, rien n'avait changé. C'était juste mon regard à moi. Et puis j'avais l'impression que ma cage thoracique s'ouvrait davantage. J'avais l'impression que j'arrivais à respirer davantage, que je prenais davantage d'air à chaque fois. Et puis ma démarche aussi. J'avais l'impression de marcher différemment. En fait, tout, absolument tout a changé. Quand je suis rentrée de ce rendez-vous, et j'ai essayé de l'expliquer à mon mari, je lui dis, mais tu te rends compte, ça y est. Et puis je voulais partir en voyage, je voulais partir en vacances, j'avais besoin d'exploser en fait. Et lui, il a un peu passé vraiment à côté, il comprenait pas. Et puis moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais tu comprends pas, tout est différent. Tout est différent, j'ai une nouvelle chance de vivre, j'ai une nouvelle vie, C'est le premier jour du reste de ma vie. C'est une expression qu'on entend beaucoup ces dernières années. Mais moi, je l'ai ressenti à ce moment-là, dans la voiture. Et je le ressens d'ailleurs toujours. C'était vers la fin de la chimio, avec Pascal Pujol, Éric Solari, Alain Echen, Jean-Emmanuel Bibot, Anne-Vincent Salomon, Camille Servera. Documentation, Patricia Miura. Conseiller musical, Antoine Vulloz. Mixage, Manon Houssin. Prise de son, Benjamin Vignal. Attaché de production, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Anne de Pelchat.